Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici. Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici. J'ai enfin réussi ma vie. J'ai une femme, un métier et la joie de vivre. Sur ce beat mélancolique, trop joyeuses sont mes lyrics. Merci à ceux qui m'ont aidé, ceux qui sous leur sel m'ont abrité. Vous m'avez soutenu, quoi qu'il arrive, vous étiez tous convaincus. Doumam, Skatito, à jamais mes potos, mes meilleures influences. Et avec eux, faut que j'avance. Eux, c'est mon exemple, ils ont peut-être pas percé en France, mais ils ont percé dans mon cœur, car dans ma vie, ils ont mis leur grain de bonheur. Yeah, écoute ça. Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici. Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici. J'avance dans la vie, j'apprenne à mes gosses comment bien vivre. Réaliser mes plus beaux rêves et avec la haine faire une trêve. Mes enfants seront fiers de leur père car de mes gosses je serai fier. Ma vie sera la plus unie du monde car personne ne nous mettra dans l'ombre. Ma femme me fait vivre et fait battre mon cœur. Elle me fait rire, me fait pleurer de bonheur. Elle, je l'aime à en crever, c'est toute ma vie, donc si t'y touches, je te tuerai. Quoi qu'il arrive, on sortira du ghetto. Et si on n'y arrive pas, on aidera tous nos potos. T'inquiète pas, t'es déjà pas mal balancé dans ce son. Et cette musique rappelle à certains qui ils sont. Yeah. Yeah, yeah. Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici. Je peux enfin vivre ma petite vie. Je vais réaliser toutes mes envies. J'ai enfin pu bien réussir. Je fais mes valises pour partir d'ici.